livré à la croix. Il s'est livré à la mort pour que moi je sois sauvé. C'est Jésus. Oh, na yo ne na tu